Il est 9h04. France Inter, le 7-9. À qui dois-je dire bonjour? Bonjour François Morel. Je connais cette musique. Coûte que coûte. À votre. Écoute, coûte. Que. Coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret... De Beaulieu. Margaret, la direction de France Inter a écouté tous les nombreux messages des auditeurs qui ont demandé que notre émission puisse avoir plus de surface médiatique. Alors, désormais, nous investirons la place qui jusque-là était consacrée aux humoristes. Aux humoristes, chère Margaret, ça s'appelle comme ça. Oui, moi je dois avouer que ça ne me faisait pas tellement rire et que j'appelle plutôt ça des militants. Des militants humoristes, Margaret. Bon, si tu veux, cher Philippe. Eh bien, qu'ils aillent faire leur humour dans des meetings, ils y seront plus à leur place. Je suis bien d'accord. Aujourd'hui, nous restons à Paris avec un auditeur qui a un métier très prenant, mais qui doit gérer en même temps les difficultés liées à ce que l'on appelle les familles recomposées. C'est bien ça, François ? Oui, docteur. Philippe. Ah, les fameuses familles recomposées. Depuis 1968, hélas, la famille a bien changé. On se marie, et puis dès que ça ne va plus, on divorce. Ouais, c'est facile. Bien souvent, ce sont les enfants qui trinquent. Oui, enfin, avec les enfants, ça va, ils sont grands. Moi, c'est plutôt ma nouvelle compagne qui me reproche de soutenir la mère de mes enfants. Vous parlez de compagne, vous voulez dire épouse ? Non. On n'est pas mariés, en fait. Et avec mon ancienne compagne, on n'était pas mariés non plus. Ah bah, comme ça, c'est plus simple. Ouais. Pas de mariage, pas de divorce. Ouais, c'est facile. Hein. Vous n'avez jamais eu envie de vous engager ? C'est pas la question. J'ai eu 4 enfants avec ma première compagne. Et là, j'ai été obligé de la soutenir. Car elle connaissait des difficultés. Voilà, Philippe, c'est ça, des difficultés. Docteur. Des difficultés d'ordre financier, familial ? Non. Plutôt des difficultés par rapport à un parachutage. Ah, c'est une sportive! Alors moi, je trouve ça formidable, le parachutisme. Justement, surtout pour les femmes. Et je vais vous faire un aveu. Cet été, moi-même, je compte bien faire mon baptême de parachutiste. Première nouvelle. Et oui, sauter dans les airs, parmi les nuages, c'est une sensation de griserie que je veux absolument connaître. Ouais, et moi, je suis peut-être un petit peu plus traditionnel, mais je trouve que ce n'est peut-être pas tout à fait la place d'une femme de pratiquer une activité plutôt dévolue aux garçons. Qu'est-ce que tu peux être vieux jeu, Philippe, quelquefois? Mais on ne va pas faire une scène de ménage en public. Même si, vous voyez François, que parfois, au sein d'un couple, on peut parfois ne pas être d'accord. C'est vrai, à ce propos, je citerai notre grand chansonnier national, Johnny Hallyday, qui a très justement dit « Pour faire un couple, il faut être deux ». C'est vrai. Oui, enfin, le problème là, c'est ma nouvelle compagne qui est jalouse et qui a tweeté. Qui a twisté, vous voulez dire? Oh bah dis donc, une parachutiste, une danseuse de twist. Décidément, François, vous aimez les compagnes agitées. Non. Elle a pas. Non, c'est pas du twist. Elle a pas twisté. Elle a tweeté en fait. Elle a envoyé un message, si vous voulez, pour soutenir l'adversaire de ma première compagne. Là. Tout ça me semble bien compliqué, François. Laissez-les se déchirer entre elles. Après tout, ce ne sont pas vos oignons. Et puis l'homme, c'est vous, François. Il faut vous faire entendre si vous voulez asseoir votre autorité au sein du couple. Bien sûr, nous sommes comme ça, nous les femmes. Nous avons tendance à nous chamailler, mais ce que nous réclamons avant tout, c'est l'autorité du mâle, surtout quand il est dominant. Exactement. Les femmes ne sont bien souvent que des enfants qui ont juste besoin de savoir qui est le maître. Exactement, cher Philippe. Alors, François, courage, et si je puis me permettre, ce serait bien de régulariser votre situation par un mariage, qui est sans doute, plus qu'un acte officiel, la plus belle preuve d'amour. On vous fait des bisous, François ? Oh oui, des bisous. Merci François, merci Margaret. On se retrouve tout à l'heure à 12h20. La réalisation était de Yann Chouquet. Nous étions à votre écoute. Coûte que coûte. François Morel, on peut dire le nom de votre partenaire, je pense que les auditeurs l'auront reconnu. Elle s'appelle Sophia Aram. Sophia Aram, merci l'auditeur beaucoup. L'auditeur s'appelait Ben. Et l'auditeur c'était Ben. Voilà, les vrais Philippe et Margaret de Beaulieu, si l'on peut dire, seront là tout à l'heure sur l'antenne de France Inter à 12h20. Le générique de fin de semaine à la coordination du 6-9, il y avait Clotilde Dumet.